petit au-delà. Je crains le silence après les voix, ce froid si froid. Je crains les rues, le jour et les gens, et la solitude autant. Je prie qu'on ne me remarque pas. Moi je crois toi, toi je te crois. La pluie, les éclairs et les chats noirs, la vie me glace de froid. Soudain je suis au sautant, ne croisant que miroir. Mais je peur que de moi. Je crains les promesses et les serments, les cris, les mots séduisants. Je me méfie si souvent de moi. Je te crois. Moi, je te crois.